démagogie. Fais l'homme mauvais. Démagogie. Moi y'a beau un bateau qui cache à loupé. Bateau à télé naviguer. Démagogie. Toi t'as gouvernail la cassé. On l'est si tiens. Hey, hey.